les chasseurs de nazis. Chapitre 3, les précurseurs. Troisième épisode. I am not a Jewish James Bond. Je ne suis pas un James Bond juif. Don Quixote. Et je ne suis pas un Don Quichotte. Et je ne suis pas entre les deux. Simon Wiesenthal à un dîner de gala dans les années 80. I am only je suis juste un survivant who pays with qui paye a dedicated par un travail dévoué for the privilege le privilège d'être resté en vie. Forcément, nous sommes allés voir aussi Ephraim Zuroff qui dirige à Jérusalem le centre qui porte le nom de Simon Wiesenthal. Alors, qui est-ce que vous interviewez à part moi en Israël ? Tom Segev. Tom Segev, à cause de Wiesenthal ? Je vous dirais qu'il était très intelligent, très futé. Mais quelqu'un qui avait été endurci par beaucoup de frustrations, de déceptions. En d'autres termes, il serait difficile que quelqu'un comme lui n'ait pas un certain degré de cynisme à cause de ce qu'il a vécu. Pas seulement pendant la guerre, mais après la guerre aussi, en raison de ses efforts, ses frustrations au cours de ses tentatives de faire juger les criminels de guerre par plusieurs pays. Mais une des choses qui le sauvait, c'était d'avoir un très très bon sens de l'humour. Il était impressionnant. Sa détermination, sa persévérance, comme un croisé solitaire. Il faut se souvenir que la plus grande partie du travail qu'il a accompli s'est faite à un moment où la Shoah n'était pas un sujet très populaire, entre guillemets, loin de là. Et donc si vous me posez la question, à mon avis, la véritable mission de Simon n'était pas de pourchasser les nazis. Sa véritable mission était d'assurer que la Shoah ne soit jamais oubliée. C'était sa véritable mission. Simon Wiesenthal avait donc une mission, et pour cette mission, il était prêt à toutes les compromissions, comme celle de devenir un personnage, comme dans le film Boys from Brazil, sorti sur les grands écrans en 1978. Un personnage incarné à l'écran par Laurence Olivier, face à lui, Grégory Peck joue Joseph Mengele. Cor Lieberman, mais est-ce que je vais être empoisonné jusqu'à ma mort par cette espèce de saleté ? Mais les deux stars hollywoodiennes ne sauvent en rien ce scénario de série B, comme en convient Ephraim Zuroff, qui était dans la salle à Hollywood pour la première du film. Cor Lieberman. C'est le premier événement auquel je me suis rendu quand je suis allé à Los Angeles. Soudain, il y avait tous les projecteurs, toutes ces célébrités qui venaient voir le film. C'était comme un grand show. J'étais à Hollywood. Mais le fait que ce film raconte comment Simon Wiesenthal pistait Mengele, ça vous a pas intéressé ? Ça n'a eu aucun effet sur moi, pas du tout. Sincèrement, je ne savais quasiment rien à son sujet. Ce que je savais, c'est qu'il chassait les nazis. Et on lui a demandé pourquoi il n'était pas retourné à son métier d'architecte après la guerre. Il n'était pas pratiquant, mais il croyait au monde à venir. Et que lorsque les survivants de la Shoah allaient mourir, il rencontrerait les victimes de la Shoah. Et que la première question que les victimes poseraient aux survivants, vous êtes les chanceux, vous avez survécu, qu'avez-vous fait ? Jean, on ne vous a pas oublié. C'est une histoire extraordinaire dans un certain sens. À elle seule, elle résume Wiesenthal. Il a donné sa vie à cette cause. Je dirais en d'autres termes, il a gagné la célébrité, pas la fortune. Mais il a eu une grande célébrité. Mais fondamentalement, il a sacrifié sa vie personnelle. Il a pu mener une vie différente et plus tranquille en Israël. Avec sa fille, c'est ce que sa femme voulait faire. Sa femme voulait tout le temps quitter l'Autriche. Elle voulait partir pour Israël. Il lui a dit « Non, je ne peux pas le faire. J'ai 6 millions de clients. » Des choses de ce genre-là. En d'autres termes, il était beaucoup plus qu'un chasseur de nazis. Il avait compris aussi l'implication plus importante de ce qu'il faisait. Je vous en donner un bon exemple. Il y a une histoire célèbre d'une conférence de presse à Vienne, je crois que c'était au début des années 60, sur l'euthanasie, l'action T4. 4 allemandes. And after the press release, et à l'issue de la conférence de presse, quelqu'un est allé voir Simon et lui a dit « Je sais où se trouve Franz Stangl. » Outre l'individu qui a construit Sobibor et être le commandant de Treblinka, il a aussi été directeur adjoint de Hadamar, une des 6 institutions où ils assassinaient les malades mentaux, les malades chroniques, les handicapés. Je sais où il est. Wunderbar, merveilleux. Et alors, où est-il? Je veux 25 000 dollars pour cette information. Ouais, 25 000 dollars. Wiesenthal, en principe, était opposé à rétribuer les informations. Mais il avait compris que si Stangl serait arrêté, il ne s'agirait pas simplement de Treblinka et Sobibor, c'était l'euthanasie, un sujet sur lequel les Allemands ne savaient quasiment rien. Alors il a négocié avec lui. Il n'avait pas les 25 000 dollars. Et la décision a été prise que si l'information était exacte, si Stangl était capturé, Simon déposerait 7 000 dollars américains sur le compte de cet individu. Mais il ne les avait pas non plus. Mais il était certain que les Juifs américains l'aideraient pour réunir l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'information était bonne. Stangl vivait au Brésil où il travaillait pour Volkswagen. Il a été arrêté puis jugé à Düsseldorf, je crois. Et ça a été un procès extrêmement important. Stangl était à la tête d'une usine de mort gigantesque. Il avait la mort de 800 000 personnes sur la conscience quand Wiesenthal s'est mis à le traquer. Il espérait le débusquer. Il vivait très souvent entre la fiction et la réalité. Tom Segev, le biographe de Simon Wiesenthal. Il adorait apparaître dans les médias, mais il savait aussi utiliser les médias à ses propres fins. Il se disait, allez, on va faire un film et ça nous permettra peut-être de dénicher de nouvelles informations. C'était ce mélange. Pendant longtemps, il a vécu de dons que lui envoyaient des particuliers, 5 dollars, 10 dollars, par-ci, par-là. Donc plus il était présent dans les médias, plus il pouvait financer ses opérations et son budget personnel, en fait. Donc, il gagnait sa vie comme chasseur de nazis. Mais j'aimerais vous parler d'un coup de bluff de Wiesenthal que je trouve vraiment touchant. C'est le coup de la traditionnelle annonce. Chaque année ou tous les quelques mois, je dispose à présent de nouvelles informations sur l'endroit où se trouve Mengele. Je sais où est Mengele. Je sais où est Mengele. À intervalles réguliers, il avait découvert où se cachait Mengele. Il avait vraiment essayé de le retrouver. Il avait envoyé quelqu'un au Paraguay. Il avait financé l'opération. Mais il ne savait rien sur Mengele. On n'arrivait pas à le localiser. Plus tard, un livre est sorti en Amérique, une biographie de Mengele, dans lequel l'auteur se moque de Wiesenthal. Se moque du fait qu'il prétendait régulièrement avoir des informations. Wiesenthal lui a répondu dans une lettre vraiment émouvante. Non, je ne savais rien sur Mengele. Mais si je n'avais pas fait ça, le monde aurait oublié Mengele. Le bureau a été laissé tel qu'il était à sa mort. Même meuble, même tasse à café, rien n'a bougé. J'ai parcouru ses papiers, sa vie, et j'ai découvert son rapprochement très, très étrange et dérangeant avec Albert Speer, qui était ministre pour l'armement et les munitions dans le gouvernement d'Hitler. Et ils sont devenus amis. Je peux comprendre pourquoi Albert Speer, après sa sortie de prison, avait besoin de Wiesenthal. Mais c'était vraiment curieux que Wiesenthal recherche la compagnie de Speer. Ma seule explication est, là encore, ce besoin qu'avait Wiesenthal de se placer au centre du pouvoir nazi, au lieu de se voir torturé par un capitaine SS. Il se rapproche d'un des meilleurs amis d'Hitler. Le jour où il a reçu la première lettre de Speer, il est sorti tout excité de son bureau, s'est précipité dans le salon et il s'est écrié « Vous ne devinerez jamais qui veut venir nous voir ». À demain, pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomared.